Les grandes gueules sont là, les grandes gueules, association reconnue d'utilité publique. Va falloir qu'un jour on y arrive, ça, à faire passer les grandes gueules, association reconnue d'utilité publique. En direct, c'est la dernière de la semaine jusqu'à 14h avec tout à l'heure. Madame Roselyne Bachelot, on a pris un pari avec Olivier. Est-ce qu'elle va arriver, Roselyne Bachelot, avec un tailleur fluo ou non? Rose. On verra ça. Normalement, rose, effectivement. Allez, les grandes gueules du jour, Olivier. Allez, pour terminer la semaine, un joli trio avec nous, Alain, aujourd'hui. Jacques Maillot, bonjour Jacques. Bonjour Olivier. Dick Rivers. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Salut Dick. Bonjour Alain. Et puis Alain Soral. Bonjour Alain. Bonjour à tous. En forme, Alain? Oui, oui. On va commencer par féliciter Jacques Maillot. Bravo Jacques. Grâce à ton combat pour la transparence dans le secteur bancaire, ben ça y est, les banques commencent à jouer franc jeu avec leurs clients. 15 mesures destinées à améliorer les relations entre les banques et leurs clients vont être mises en place de manière progressive avant la fin de l'année. Vraiment régulièrement, grande gueule, ce problème-là, on l'a abordé. On peut même dire, moi je trouve qu'Olivier est bien modeste. Je pensais que tu allais me féliciter pour le oui au Parti Socialiste. Bon, on va reparler dans deux minutes si tu veux. Une défaite sans précédent pour Jacques Mien. Il n'est pas socialiste, il n'a pas voté. Pas encore. Donc, il est vraiment contre l'Europe. On y reviendra tout à l'heure. On peut quand même dire, c'est modeste, on peut dire, on a gagné quand même, parce que les grandes gueules, c'est vrai, à force d'insister, on fait trembler le monde bancaire. Les banques qui ont plié après un mois de tractation au ministère de l'Intérieur, un mois de pression de la part des consommateurs et du FC Que Choisir et des grandes gueules. Elles ont promis pour l'année 2005 15 mesures de clarification. Alors attention pour les Alain, consommateurs. T'emballe pas, hein, parce que c'est pas non plus une révolution dans le secteur bancaire. Il faut insister. C'est un début, notamment par exemple, ça sera désormais gratuit à partir du 1er janvier, lorsqu'on va clôturer notre compte. Jusqu'à présent, il fallait payer pour fermer son compte. Ça sera gratuit à partir du 1er janvier 2005. À partir du 1er mars 2005, tous les tarifs seront accessibles sur Internet et dans les agences sous forme de dépliants. Parce que jusqu'à présent, les banques étaient assez peu transparentes, opaques. Carrément opaque sur la facture bancaire, et c'est peut-être le seul service aujourd'hui, le service bancaire, qui n'est pas facturé d'une façon précise et claire par les banques. Donc là, ça va changer petit à petit. Les grandes gueules font avancer les grands dossiers. Eh bien, non. Oui, enfin, c'est bien, je crois quand même. Pas cocorico pour les grandes gueules, mais quand même bravo à Que Choisir et bravo à tous les consommateurs qui font partie de l'association de consommateurs et qui sont vigilants pour que la concurrence fonctionne et pour qu'il y ait de l'information, de la transparence. Et vraiment un grand bravo à Que Choisir, en même temps que les grandes gueules. Mais c'est bien ça, c'est vrai que ça manquait quand même. Alain Soral, tu faisais attention à tes comptes, à ce que te coûtaient tes comptes, ou pas trop, c'est pas toi qui t'en occupe? Moi je fais attention quand je suis dans le rouge, et puis quand ça va, c'est très chiant quand même. Hein, le rêve c'est de pouvoir s'en foutre quoi. C'est pour ça que Dick il fait pas attention, parce que t'as pas, regarde, tu comptes pas Dick. Non, je négocie moi. Avec ta banque? Ben oui, merci, bravo les duettistes. Ben bien sûr, tu négocies avant. C'est-à-dire, tu négocies les tarifs des choses. Ouais, mais c'est toujours plus facile de négocier lorsqu'on a de l'argent. Et qu'on s'appelle Dick Rivers. Et Dick Rivers, mais lorsqu'on est dans le rouge et qu'on a du mal à finir le mois, la négociation est quand même assez difficile. Ah non, mais il ne faut pas le faire à ce moment-là, il faut le faire au départ. Mm. Bon, c'est une parenthèse, mais tu le fais au départ. C'est-à-dire au départ, tu dis, bon, bah, voilà, qu'est-ce que vous me donnez pour l'argent? Qu'est-ce que vous me donnez si je suis en rouge, etc. Ça se négocie, ça. Mm. D'ailleurs, la preuve, c'est que ce truc-là, les banques vont annoncer, mais toutes les banques, ça va être différent, hein. J'en suis certain, elles vont pas s'aligner. Tu parles par exemple du taux des agios, toi. Il y en a, je dis n'importe quoi, le CIC ça sera tant, le CCF ça sera tant, le BNP ça... Tu vois ce que je veux dire, Jacques? Non mais c'est vrai ce qu'a dit Olivier Larmarque. Je dirais que pour Dick, pour moi, objectivement c'est beaucoup plus facile. Ce qu'il faut voir, je dirais, c'est vraiment le travailleur qui cherche un emploi qui est au RMI, celui qui est au chômage, celui qui est au SMIG. Ça se passe pas de cette manière-là. Le fait qu'il y ait maintenant... Ah, ça c'est sûr. Ouais. Hein, ça c'est évident. C'est bien connu qu'avec les banques, lorsqu'on a de l'argent, au moins, à la limite, elles vont vous prêter l'argent que vous avez déjà mis sur le compte. Hein, c'est bien. Non, ce qui est important, c'est, je dirais, pour les consommateurs, les clients, qu'on ait problème. Et je crois que le premier point, ces tarifs qui vont enfin être transparents, et Dick a entièrement raison, j'insiste bien, de faire jouer la concurrence. Il n'y aura pas le même tarif chez HSBC, chez Becbo, chez Hervé ou au Crédit Lyonnais. Avant de faire jouer la concurrence, il fallait au moins que ce soit clair. Or, quand on recevait nos relevés de compte, Alain, c'était pas clair. Il y avait tellement d'écritures dessus que tu ne savais pas là où étaient effectivement les frais. Il y avait des prélèvements qui n'étaient pas forcément expliqués. Et là, il va y avoir un pictogramme. Donc au moins, il va y avoir une visibilité. J'ai beaucoup de questions, mon cher Alain. Il va y avoir une visibilité. Parfois, quand on va demander l'explication au banquier, il vous fait une petite ristourne. comme c'est pas trop comment expliquer, voilà, je voulais recréer. Bah oui, c'est un pot qui sort pas. Bah oui. Mais il faut être en position de force pour aller voir son banquier, c'est-à-dire c'est vrai. Ouais, quand tu t'as des sous sur le compte. Quand t'es Soral, Dick Rivers sous maillot, c'est ouais, beaucoup attends, plus difficile. Oh là. Bah, quoi, enfin tu tires pas après tes fins de mois quand même. Écoute, on va te filer du blé tout de suite, là t'es en difficulté. Non, mais hein. Bon, je suis français moyen, quoi, pas plus. Hein. Mais c'est vrai, quoi, non, mais c'est quoi tes revenus, Alain? Mes droits d'auteur, c'est pas énorme. Si ça correspond à, je gagne non, non, mais alors, j'ai le revenu d'un cadre, voilà. Le revenu d'un en cadre. Ce moment, mais c'est pas. D'un cadre supérieur. 20 000 balles par mois, voilà. 20 000 francs par mois. On parle en euros maintenant, ouais. Tu sais, depuis 3 ans, moi, je parle toujours en francs. Moi aussi. Mais merci, voilà. Tu vois, j'ai bien fait de le dire c'est en bien, les grandes gueules, c'est moderne. Oh non, 3 000 euros, quoi. Oui, bah voilà. 3 000 euros. Parlons clair. Jacques Maillot, Dick Rivers, Alain Soral, Olivier Truchot, il y a aussi un truc qui est en train d'évoluer. Une chose importante, c'est qu'on pourra bientôt acheter son billet de train à la poste. La confiance a de l'avenir. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que tu te retrouves avec deux syndicats qui sont face à face. Tu as une SAPOSTE qui dit, ouais, chouette, c'est la mission du service public qui s'élargisse, on va pouvoir vendre des billets de train à la poste. Et tu as Sudrail, de l'autre côté, qui dit, inadmissible, cheminots, mobilisation, la poste n'a pas à vendre des billets de train. Là. Mais ils ne devaient pas vendre du pain déjà la semaine dernière? Bah alors la semaine dernière, ils vendaient du pain, à partir de l'année prochaine, normalement, ils vont vendre des billets de train. Et le courrier s'est fait par qui? Oui, ça continue le courrier, heureusement, ça continue. Ils auront un peu le temps quand même entre le pain c'est, et le train. C'est bien, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose de diversifier l'offre du service public, Jacques. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bon, je trouve ça très bien. Alors ça, la seule chose à mon avis, c'est momentané, parce que les billets SNCF, pour savoir qu'il y a un site sur internet de la SNCF qui marche très bien, qui est très dynamique, qui gagne de l'argent. Bravo à la SNCF sur ce point. Et à mon avis, ça c'est bien momentané, mais je suis sûr que dans 5 ans, il n'y a qu'à voir l'évolution sur Internet, l'essentiel des billets seront vendus sur Internet. Oui, mais enfin, tout le monde fait tout. Alors le postier peut effectivement vendre des billets de train, peut vendre du pain. Bientôt, on lui demandera peut-être de donner des cours, hein, de faire classe. Qu'est-ce qu'il pourrait faire comme autre service public? Il pourrait aussi soigner peut-être. Je crois que ce service, il est surtout fait... Et je dois dire que je comprends ça très bien pour les gens qui habitent dans des petites agglomérations. Zones rurales. Genre des villages, des trucs comme ça. Et comme le train passe plus dans les zones rurales. Non, mais attends, moi par exemple, j'ai la chance d'aller en villégiature, comme on dit, n'est-ce pas, dans un petit bled qui est super sympa, qui est dans le sud-ouest. Bon, ben, c'est vrai que tu peux pas, quand tu veux réserver un train à Montauban ou à Toulouse, tu peux par téléphone, les gens ont besoin d'une sorte de contact humain, et c'est vrai que les plus faciles aller à la poste où les gens sont très gentils par rapport à Paris, hein, où à Paris par contre c'est l'enfer parce que à la poste il faut toujours il y a trop de monde. C'est l'horreur, machin, etc. En province, la poste c'est vraiment un endroit convivial. Donc il y a des gens qui veulent acheter un billet de train, je suis sûr qu'ils seront vachement plus contents d'aller le faire à la poste. Ils vont peut-être faire bistrot bientôt à la poste aussi. Il y a des villages la poste au bistrot. Lorsque le retraité vient toucher sa pension, ça lui offrait un coup, ça serait pas mal. Non mais il y a des villages où il y a convivial. Tu disais encore ça fait bistrot la poste. Bah bien sûr. Alain Soral lui propose de tout centraliser au bistrot directement. Ouais, ils font déjà les clopes et les timbres, à la limite, ils peuvent faire le pain. Ils vendront des billets de train. Mais le problème, c'est que maintenant, on vendra les billets de train dans les petits villages, et ça, c'est très bien, mais il faut oublier qu'il y a quand même un projet global de rentabiliser les trains, et les trains pas rentables vont disparaître, d'après ce que j'ai compris. Donc on pourra acheter un billet dans un petit patelin, mais le train n'y passera plus. Donc avant, on pouvait pas acheter le billet, mais le train passait. C'est un peu paradoxal quand même. Oui, mais effectivement, aujourd'hui, comme le disait Dick, il y a des communes où il n'y a pas la gare, mais ça t'empêche pas de pouvoir prendre le train pour pouvoir aller ensuite d'un endroit à un autre. Donc, et puis, tu n'as pas de gare, il faut bien que tu achètes ton billet de train. C'est chiant de appuyer sur deux, appuyer sur quatre, Maintenant, au téléphone. Oui, c'est vrai. Tiens, les gens qui aiment pas ça. Et quand disent les postiers, est-ce qu'ils sont prêts à vendre des billets de train, les postiers? Yann est postier. Bonjour, Yann. Bonjour, les grandes gueules. Bienvenue, Yann. Prêt à vendre des billets ou des billets de train ou pas à la poste? Dans quelles conditions? Alors, dans des petits villages, là où il y a un besoin pour la population, pourquoi pas. Mais moi, ce qui me gêne un peu dans cette affaire, c'est qu'on va nous demander de faire deux métiers, et à un moment donné, l'accumulation des formations, des savoir-faire, il faut bien qu'il y ait une reconnaissance à un moment donné. Métiers, Yann, et peut-être trois avec la boulange, hein, si on vous demande de vendre du pain, vous serez en plus boulanger. À ce rythme-là, bientôt, on va faire bistrot du coin, resto... Et puis j'en passais des meilleurs. Puis, c'est une espèce de... Enfin, Yann, dans les bureaux de poste à la campagne, on n'est pas débordé non plus. Non, c'est donc pas, c'est... on a peut-être le temps de faire autre chose. Non, mais de toute façon, on est au service de la population. Ça, c'est de tout le monde, des gens de la campagne, de la ville, des riches, des pauvres, pareil. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, plus on a de savoir-faire et qu'on accumule les savoir-faire, normalement, il doit y avoir une reconnaissance au niveau salarial, sous une forme quelconque, à un moment donné. Parce que effectivement, pourquoi pas? Non, mais si c'est un service en plus à la population, tant mieux. Mm. Mais dans quelles conditions? Ah, donc, oui. À quelle fin? Voilà, ce que vous voulez, vous, c'est au moins qu'il y ait un petit geste financier en ce qui concerne les postiers. Je peux vous donner vite un autre exemple. Bah, dites-moi combien vous gagnez en tant que postier. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai pratiquement 22 ans d'ancienneté, je gagne moins de 1500 euros. Ça fait 8000 francs par mois, quoi. Ça fait un peu moins de 10 000 francs. Ah non, 10 000 balles. Oui, tu as raison. Ouais. Toi, t'as décidément du mal avec l'euro. Oui, hein. En ce moment, j'ai du mal, oui. C'est le seul truc que je sais, moi. 500 euros, 10 000 balles, voilà. Et juste pour finir, vous avez donné la position de l'UNSA. Moi, je vous conseillerais juste de vérifier l'impact de l'UNSA à la Poste ou je ne sais pas, à la SNCF. Mais il y a eu des élections professionnelles il y a quelques semaines à la Poste. Et je peux vous dire que l'UNSA, ça représente trois fois rien. Alors, ils peuvent dire ce qu'ils veulent aussi. D'accord. Yann, c'est vrai qu'en même temps, la SNCF est en train de supprimer des vendeurs au guichet de la SNCF. On parle de milliers de guichetiers. 6 000.